La délégation de l'Union des femmes Kim Jong-suk de Russie en visite en Corée a offert une prison à Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, à l'occasion du 15 avril. La femme chef de la délégation, Yelena Baviti, présidente de l'Union des femmes Kim Jong-suk de Russie, l'a transmis vendredi à un cadre coréen intéressé.